Micro ouvert. Fuite, fuite, fini les impôts. Oh oh, fini les impôts. Fuite, fuite, paradis fiscaux. Coucou, paradis fiscaux. Contribution à la solidarité. Non, non, non, non. À l'enseignement, à la justice, à la santé. Non, non, non, non. À quoi bon prendre part à la société? N'importe quoi, hormis à ma société offshore installée au Panama. Fuite, fuite, fini les impôts. Ou ou, fini les impôts. Fuite, fuite, de mes capitaux. Ou ou, de mes capitaux. Au Panama ou aux Seychelles. Oui, oui, oui, oui, aux Bahamas ou dans les îles Vierges. Oui, oui, oui, oui, partout où il y a des cocotiers et du sable blanc, je ne suis rien de plus qu'un exilé, un simple migrant. Fuite, fuite, fini les impôts. Ou ou, fini les impôts. Fuite, fuite, avec mon magot. Ou ou, avec mon magot. Dans la vie, il faut savoir s'évader. Évasion fiscale. Dans la vie, il faut avoir un bon banquier. Société générale. Dans la vie, il faut dire optimiser plutôt que frauder. Dans la vie, faut pas se laisser emmerder par Élise Lucet. Fuite, fuite, fini les impôts. Ou ou, fini les impôts. Fuite, fuite, loin des tribunaux. Ou ou, loin des tribunaux. L'idéal, c'est de faire des montages auxquels on pige que dalle. Des sociétés écrans, de l'enfumage, comme au Front National. Quand on voyage pour planquer ses finances et que c'est un micmac, est-ce que c'est ça qu'on appelle les vacances? Les vacances d'opaque. Fuite, fuite, bonjour le jeu de mots. Ou ou, bonjour le jeu de mots. Fuite, fuite, fini les impôts. Ou ou, fini les impôts. Même pas peur d'aller en prison, je ne risque rien. La tôle, c'est pour ceux qui n'ont pas de pognon. Moi j'en ai plein, même pas peur, et vous allez voir que je suis marrant. Même pas peur de la liste noire, du blanchiment. Fuite, fuite, fini les impôts. Ou ou, fini les impôts. Fuite, fuite, paradis fiscaux. Coucou, paradis fiscaux. J'ai en face de moi un monsieur qui s'appelle Christian Savestre. On est à Bruxelles. Allez, on est. Je suis chez vous. Corona, Covid oblige. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de troquet disponible, donc on est chez moi. Voilà, okay, c'est plutôt sympa chez vous. Il y a plein de bouquins. On voit que ça bouquine, ça réfléchit, ça. Non? Ben oui, ben le bouquin c'est essentiel. Les journaux aussi, hein. La prière du matin, disait Hegel, et la prière, je la fais tous les matins en lisant mes journaux, qui sont là d'ailleurs. En France, c'est pas essentiel, ça pour le moment. Hein. Tout est fermé. Malheureusement, les librairies, c'est pas essentiel en France pour l'instant. C'est fou ça quand même. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, les théâtres continuent à être fermés, les cinémas aussi. Ouais. En revanche, les supermarchés, ça fonctionne bien. C'est ça quoi. Christian Savestre, alors vous, toi, tu es chroniqueur chez Pour, le journal Pour. Hein. C'est bien ça. Je suis chroniqueur chez Pour, un média de gauche, numérique. Et qui s'est remis en route il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Qui s'est remis en route il y a à peu près 3 ans, et dans lequel j'interviens sur des questions économiques, notamment l'évasion fiscale. Et ça a fait l'objet d'une vingtaine de chroniques et d'une vingtaine de vidéos aussi. Et puis dernièrement, une enquête sur une autre forme d'évasion fiscale, l'évasion fiscale au droit de succession, dont on oublie souvent de parler, mais qui est le comble de l'injustice, puisque souvent les fortunes se construisent à l'abri et sous le couvert de l'évasion fiscale, mais elles s'y transmettent aussi. Et donc, à l'occasion d'une affaire qui a été célèbre il y a une dizaine d'années, dont on a beaucoup parlé et qui, finalement, dont on ne parle plus, mais qui reste toujours scandaleuse et non résolue, l'affaire Verbruggen, j'ai fait une enquête de 11 épisodes pour sensibiliser les gens à ce problème des droits de succession. Et là, on ne parle pas des droits de succession du citoyen lambda qui veut laisser sa petite maison ou son petit appartement à ses enfants, on parle de succession gigantesque. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une succession de 400 milliards d'euros. Voilà. C'est pas mal, ça. 400 millions d'euros, excuse-moi. 400. C'est énorme. J'allais dire, c'est le même chiffre, plus ou moins, du PIB de la Belgique, ça. À peu près. Le PIB de la Belgique, il tourne autour de 480 milliards. Et il faut savoir que chaque année, puisque la Belgique est un des pays qui a voté une loi en 2009, le père de cette loi, c'est un député du Parti socialiste flamand. J'ai oublié son nom. Il m'excusera. Et cette loi a été votée. Personne n'a encore bien compris pourquoi, puisque finalement, la Belgique, grâce à cette loi, on sait chaque année ce que les plus grandes entreprises belges effectuent comme virement vers 30 paradis fiscaux. Sachant que 30 paradis fiscaux, ça n'est qu'une partie des paradis fiscaux, puisqu'il y en a à peu près 100 dans le monde. Et dans ces 30, il n'y a pas les paradis fiscaux de l'Union européenne. Il n'y a pas le Luxembourg, il n'y a pas l'Irlande, il n'y a pas les Pays-Bas, il n'y a pas Malte, il n'y a pas Chypre. Ça a représenté, au titre de 2018 déclaré en 2019, 172 milliards d'euros. Or, 172 milliards d'euros, tu parlais du PIB belge de 480 milliards tout à l'heure, eh ben, ça fait 36% du PIB. Donc les citoyens doivent savoir qu'il y a 36% de la richesse qu'ils créent, eh ben, l'équivalent s'en va dans 30 paradis fiscaux. Les 7 premiers, le premier, ce sont les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont constitués de 7 entités qui constituent donc la première destination de ces 172 milliards. Et puis après, personne ne le devinerait, c'est l'Ouzbékistan. Bah oui, l'Ouzbékistan, c'est peu connu, mais c'est véritablement très prisé par les 790 entreprises belges. Et puis après, on retrouve des paradis fiscaux plus connus, comme les îles Caïmans. Après, je me demande si c'est pas de mémoire Jersey-Guernesey, les îles de Jersey-Guernesey. Et puis le cinquième, c'est le Turkménistan. Là aussi, on ne le connaissait pas vraiment comme paradis fiscal, mais visiblement, il est à la pointe. Et à l'heure actuelle, ça s'envole chaque année. Le record, c'est, il y a 2 ans, je crois que ça faisait 45% du PIB belge. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas ce que ça représente. Quelles sont les entreprises? Il y en a 790, on ne connaît pas leur nom. À quel titre? Ce n'est pas des relations commerciales. La Belgique n'importe pas beaucoup de choses de l'Ouzbékistan ou du Turkménistan, n'est-ce pas? Et encore moins des îles Caïmans. Mais bon, voilà, c'est ça. Donc ça donne une idée. C'est pas une évasion fiscale de 172 milliards, mais c'est les milliards qu'il faut faire aller de droite, de gauche pour, in fine, aboutir, puisque c'est le chiffre qui est retenu le plus communément pour la Belgique, à 30 milliards d'évasion fiscale, c'est-à-dire de pertes de recettes fiscales chaque année. 30 milliards, c'est absolument considérable. Hein. Parce que si on rapporte ces 30 milliards au nombre de citoyens et de citoyennes actifs en Belgique, ça représente 4 mois du salaire net moyen du Belge. Personne ne le dit, mais ces chiffres-là sont incontestables. Pour l'instant, ça ne percole pas. Ben oui, c'est ça. Mais je crois qu'on ne réalise pas bien ce qui se passe, quoi. D'ailleurs, on n'en parle pas tous les jours dans les médias non plus. Hein. On n'en parle pas tous les jours dans les médias. Deux, c'est des chiffres tellement gigantesques qu'on a du mal à les appréhender. Et puis ceux qui devraient justement alerter leurs concitoyens, finalement, les politiques qui ont été élus par ces mêmes concitoyens, se gardent bien jusqu'à présent d'en parler, ou s'ils en parlent, qu'ont fait Sarkozy en 2008 au moment de la fameuse crise, les paradis fiscaux c'est fini, la spéculation financière c'est fini, enfin bon, j'en passe des meilleurs, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé puisque l'évasion fiscale, elle n'a jamais été aussi importante. Et ce qui est symbolique, et particulièrement savoureux, c'est que la Belgique c'est un paradis fiscal. Mais même dans un paradis fiscal, il y a de l'évasion fiscale, parce qu'il y a toujours moyen de trouver de l'herbe plus verte ailleurs. Et donc, un paradis fiscal est lui-même victime d'évasion fiscale. C'est le cas de la Belgique. Mais ce serait peut-être intéressant de comprendre ou de définir qu'est-ce que c'est l'évasion fiscale, parce qu'on parle de 480 milliards de PIB, ça veut dire que c'est la richesse produite en Belgique par les travailleurs, les travailleuses, tous ceux qui font du fric, en fait. C'est ça, hein, on calcule en argent toute cette économie, en fait. Absolument. Donc la richesse créée en Belgique, selon l'outil de mesure actuellement en vigueur, qui est le produit intérieur brut, le fameux PIB, eh bien, ce sont tous les travailleurs, toutes les travailleuses belges, quel que soit leur statut, salariés, indépendants, il ne faut pas non plus oublier les indépendants, le boulanger, le charcutier du coin, le boucher, etc. etc. Eh bien, voilà, ça fait une création de 480 milliards. Mais sur ces 480 milliards, il y a 30 milliards de recettes fiscales qui sont perdues parce que une petite minorité constituée d'entreprises ou de personnes physiques échappe à la règle auquel l'immense majorité des citoyens et des entreprises n'échappent pas, c'est-à-dire payer ses impôts. Et comment ils y échappent ? Ils y échappent à travers ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Alors évidemment, le mot évasion fiscale n'est pas systématiquement utilisé, puisque de plus en plus, on entend parler d'optimisation fiscale. Oui, mais là, c'est plus honnête, je trouve, parce que tu vois, quand on parle d'évasion fiscale, on comprend bien la chose, mais si c'est accepté, si on a en Belgique et dans plein de pays comme ça, si, comme tu dis, il y a 30 milliards qui partent de ce PIB à 148 000, c'est bien que la règle et la loi l'acceptent, hein, sinon ça ne se passerait pas comme ça, tu vois, c'est ça aussi. Et pourquoi ? Donc c'est pour ça que la sémantique est importante. Donc quand on parle d'évasion fiscale, en général, le discours de ceux qui sont au pouvoir, on va dire des dominants, c'est de dire non, fraude fiscale. Mais pourquoi vous parlez de fraude et pourquoi vous ne voulez pas parler d'évasion fiscale ? Ah, mais il y a une partie de l'évasion fiscale, c'est légal. Si ce n'est pas de la fraude, c'est légal. Et pourquoi c'est légal ? Qui dit que c'est légal ? Simplement parce qu'au sein de l'Union européenne, par exemple, au sein de l'Union européenne, la concurrence fiscale est la règle entre États. La concurrence fiscale est la règle. Et donc, c'est la course au moins 10 ans. Et donc, tel État va dire « Ah ben moi, je fais un impôt société, au lieu d'être de 30%, de 28%, je le fais à 15 ou à 12 ». Et donc, ça provoque une chute des recettes fiscales, puisque après, tous les moyens sont mis en œuvre, tous les circuits sont mis au point par ceux qu'il faut appeler les organisateurs de l'évasion fiscale pour échapper aux lois dites nationales et faire en sorte de pouvoir bénéficier d'un régime fiscal qui soit plus satisfaisant. Hein, c'est le cas du Luxembourg, par exemple, par rapport à la Belgique, même si la Belgique est déjà un paradis fiscal. C'est un enfer fiscal pour celui qui vit de son travail, la Belgique. Il suffit de comparer l'impôt sur le revenu des personnes physiques entre deux pays voisins, la France et la Belgique. Le citoyen belge est massacré en tant que travailleur par rapport au citoyen français. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Ça veut dire que la progressivité de l'impôt sur le revenu en Belgique est beaucoup moins grande que la progressivité en France. Et le taux d'imposition par tranche correspondante est beaucoup plus sévère en Belgique. Et pourtant, la France n'est pas un pays socialiste. Hein. C'est Macron qui est au pouvoir. Voilà. Donc simplement, les Belges, la Belgique a instauré... C'est un pays qui jusqu'à présent, a été beaucoup plus libéral que la France. Mais avec Macron, on va bientôt le rattraper, hein, puisque je suis français. Et voilà, le citoyen est absolument, au niveau de son impôt sur les personnes physiques, est absolument massacré par rapport à la France. Sachant, je le répète, que la France n'est pas un pays socialiste. Hein. Donc c'est dire à quel point l'inégalité et l'injustice fiscale en Belgique est grande. Voilà. Mais ça ne suffit pas, puisque ceux qui font partie des... Quand je te coupe, hein, excuse-moi, mais c'est parce que là, je décroche un peu, quoi. Parce que quand tu parles d'impôts, oui, on sait qu'en Belgique, on paye beaucoup d'impôts. C'est ça que tu veux dire ? Y a des gens qui ne payent pas beaucoup d'impôts. Le citoyen. Non, je veux dire, le citoyen, les gens, le petit commerçant, les indépendants, on c'est connu, on doit payer, paraît-il, beaucoup de charges. Mais ça s'appelle aussi des cotisations. On ne doit pas les appeler des charges. Puisqu'en fait, alors ça, c'est un autre problème qu'on peut évoquer, c'est qu'en Belgique, le salarié, l'employé ou l'ouvrier, il voit son impôt prélevé sous la forme de ce qu'on appelle ici le précompte professionnel, qui figure sur la fiche de paye, sur son salaire. Et donc finalement, c'est ça le comble, c'est qu'une boîte, si l'employé est employé d'une société multinationale comme Amazon, par exemple, hein, ou Google, qui paye si peu d'impôts qu'on pourrait presque dire qu'ils n'en payent pas, eh bien celui qui ne paye pas d'impôts, son employeur, prélève pour le compte de l'État l'impôt de l'employé. C'est quand même un comble. Mais finalement, ça existe depuis tellement longtemps, 5 ans, 60 ans, je ne sais pas, en Belgique, que le citoyen s'en rend même plus compte. Et donc il confond l'impôt avec les cotisations sociales. Et donc il en oublie même son salaire brut. Le citoyen, tu parles. Je parle du citoyen. Et donc fais le test. Demande à tes connaissances, c'est combien ton salaire brut ? Tu veux dire le net ? Non, ton salaire brut. Ah ben, souvent, ils ont oublié le salaire brut et ils pensent qu'au net. Mais la différence entre le brut et le net, c'est l'impôt sur les personnes physiques, mais aussi les cotisations sociales. Et les cotisations sociales, c'est quoi ? C'est un salaire différé. Et ces satanés secrétariats sociaux là, qui calculent la paye de tous les Belges, quand tu vas sur leur site, amuse-toi à aller sur leur site. Ils mélangent cotisations sociales et impôts, et tout ça, ils l'appellent impôt. En France, ils ne pouvaient pas faire ça jusqu'à il y a 2 ans, où le gouvernement a décidé, je crois même que c'était avant Macron, la décision, c'était sous Hollande, enfin, c'est la même chose, d'instaurer ce qu'on appelle, nous en France, le prélèvement obligatoire. C'était un des rares pays qui échappait. Et donc moi, j'étais persuadé que ça n'allait pas passer. C'est passé comme une lettre à la poste. Parce que le citoyen s'est dit « Ah bah oui, c'est quand même plus simple. Hein. » C'est sous Macron. Voilà. C'est quand même plus simple. Ben non. Il y a quand même eu beaucoup de révoltes dans l'histoire qui ont été des révoltes de l'impôt. Mais là, tu peux même plus faire la grève de l'impôt parce que de toute façon, on te l'a pris. Y compris par des entreprises qui ne le payent pas, elles. C'est quand même un comble. Hein. Bah, je sais plus comment on en est arrivé là. Mais bon, voilà quoi. Ça n'a pas d'importance, on suit le raisonnement, mais tu es d'accord que tout ça est d'une confusion, quoi. Exprès. C'est exprès parce que c'est toute la sémantique, elle est destinée à ça. Si tu parles d'optimisation fiscale et pas au lieu de parler d'évasion fiscale, mais c'est fabuleux, parce que si tu optimises, c'est que tu es un bon gestionnaire. Si tu n'optimises pas, mais t'es pas un bon chef de famille. Hein. Alors que si tu t'évades, ça, c'est pas bien. Mais si tu optimises, bah, t'as bien raison. Hein. Puis finalement, tout le monde fait ça. Hein. Et alors, ce qui fait que c'est que les dominants, les puissants, ils arrivent à faire croire aux citoyens lambda qu'il a intérêt, lui aussi, à optimiser. Mais il peut pas optimiser. Donc, c'est comme celui aux États-Unis qui croit que, de toute façon, il est ouvrier ou il est employé, il va devenir millionnaire. Mais il est mort avant de devenir millionnaire, évidemment. Donc, C'est comme ça. Et donc il faut arriver à conscientiser le citoyen. Mais le problème, c'est que ça ne percole pas. C'est comme quand tu parles des droits de succession. Tu dis « Ah oui, mais alors, celui qui a une petite maison, qui veut laisser à ses héritiers, il se confond avec celui qui a des milliards ». Eh bien ça marche. Ben, plus c'est gros, plus ça marche apparemment. Voilà. Mais pour l'instant, ça marche encore. Bon, alors faut quand même reconnaître que ça... Il y a des progrès. Mais... Tout ça est de l'idéologie. Hein. Par exemple, tu prends la comptabilité. La comptabilité, c'est... En plus, la comptabilité en Belgique... Moi, je constate en tant que Français que les Belges, ils adorent la comptabilité. Et il y a un nombre d'experts comptables dans ce pays. C'est absolument incroyable. C'est un petit pays aussi. Hein. Ben oui, mais il y a beaucoup d'indépendants qui sont des faux indépendants, très souvent. Parce que le patron, l'employeur, il dit ouais, comme ça, tu n'auras pas. Moi, je ne paye pas de cotisation sociale. Toi, tu auras finalement t'auras des revenus un peu plus importants. Tu pourras mettre ton canapé dans tes charges, etc. etc. Mais tout ça, finalement, c'est... ça fait que bah, tu as des indépendants. Oui, ils font appel à des experts comptables. Donc, moi, je trouve le pouvoir des experts comptables, il est incroyablement fort en Belgique. Ils font leur boulot, ces experts comptables, mais tu en as un certain nombre qui ne font pas leur boulot. Les puissants, ils ne font pas leur boulot. Et ils font partie des organisateurs de l'évasion fiscale. Voilà. Mais c'est un gros sujet. On ne sait pas toujours par quel bout l'aborder aussi. Hein. Moi, j'ai plein de questions aussi. Mais parce qu'à la base, on parlait aussi de ce que vous avez mis en place. Comment ça s'appelle ? Dubai Papers ? Alors ça, les Dubai Papers, c'est une histoire. Nous sommes en 2020, qui a éclaté pour son versant belge en 2019, vers le mois de mai, grâce à un journaliste indépendant qui s'appelle Frédéric Laure, et qui a publié son enquête sur les Dubai Papers versant belge, dont Paris Match édition belge. Inattendu hein, comme support média, mais son enquête est remarquable. Et en fait, l'affaire globale des Dubai Papers a éclaté, je crois, en France, en 2018. C'est une énième version de leaks. Hein. Il y a eu les LuxLeaks, il y a eu les Panama Papers, il y a eu tout un tas de trucs avant. À chaque fois, on livre sur la place publique le nom de célèbres évadés fiscaux, soit des personnes physiques, soit des grosses boîtes. Et puis ça se reproduit. Alors dans le cas de l'affaire des Dubai Papers versant belge, là c'est assez croquignolé parce que on retrouve des gens bien sous tout rapport, notamment le prince, Henri de Creuil, qui organise pour le compte de ses clients de l'évasion fiscale, qui s'apparente d'ailleurs quelquefois à purement de la fraude fiscale. Hein. Et ce prince de Creuil, il a déjà une histoire, puisqu'il y a eu une affaire célèbre en Belgique pour les initiés qui s'appelle l'affaire dite des sociétés de liquidité, dans laquelle il a été impliqué. Et c'est une affaire qui a duré 15 ans. Il a été recherché, il a été arrêté à Lyon, en France, de mémoire. Et puis il s'en est sorti, par un miracle qu'on ne s'explique pas, totalement blanchi, en appel à la cour d'appel de Liège. Hein, initialement, l'affaire est née à Bruxelles. Alors donc là, il réapparaît. Et ce qui est intéressant, c'est que là, l'enquête de Frédéric Laure permet d'épingler deux avocats fiscalistes et un expert comptable. Un avocat fiscaliste qui est bien connu en Belgique, qui s'appelle Thierry Afschrift, et qui, sur son site, en page d'accueil, imprime... L'évasion fiscale est un droit fondamental. Donc, sérieux, c'est vrai. C'est clair, oui. Mais c'est un personnage assez connu. On l'entend sur tous les médias de Belgique. Il est libertarien. Au moins, il ne cache pas ses opinions. Oui, voilà, j'allais le dire. C'est clair. Et puis il y en a un autre moins connu, mais qui a été candidat au poste de bâtonnier de l'ordre francophone des avocats francophones de Bruxelles. Maître Arnaud Janssen. Et donc on s'est dit, ah ben là, c'est intéressant, au nom d'Attaque, une association à laquelle j'appartiens, on va porter plainte déontologique. On va pas porter plainte au pénal, parce qu'une plainte au pénal, ça va durer 20 ans. Donc moi, j'ai 70 ans, je me dis, je voudrais voir le résultat avant de mourir. Donc porter plainte déontologique, ça veut dire que c'est terriblement symbolique. La sanction qu'il peut y avoir, c'est une sanction disciplinaire. Et la sanction disciplinaire, bon, bah, ça peut être une interdiction d'exercer, définitive. C'est extrêmement rare, voire peut-être ça n'a jamais existé. Ou une suspension de 3 mois, 4 mois. Mais l'intérêt, c'est surtout de faire parler et de populariser ce drame de l'évasion fiscale en mettant en évidence le rôle, non pas des bénéficiaires, C'est évidemment, c'est intéressant de savoir qu'il y a tel riche qui s'est évadé fiscalement. Mais l'évasion fiscale n'existe que parce que ses organisateurs existent. Et sans avocat fiscaliste. Oui, ses organisateurs, mais aussi l'État. En tout cas, les politiques, le gouvernement qui créent les lois. Tu vois, ça va ensemble. Alors, ça, on va y revenir. Mais en tout cas, sans organisateurs de l'évasion fiscale, que sont les avocats fiscalistes, les experts comptables et ce qu'on appelle les réviseurs d'entreprise, il n'y a pas d'évasion fiscale. Et donc, il y a plein de gens qui sont tout à fait respectables dans ce métier-là, mais il y a aussi une petite minorité qui se livre à cette organisation de l'évasion fiscale. Et leur utilité sociale, c'est quoi ? Ils n'ont aucune utilité sociale. Ils ont même une utilité sociale totalement négative. Et pourtant, ils ont pignon sur rue. Et on les célèbre. Thierry Afschrift, personnage très intelligent, non seulement il est avocat fiscaliste, mais il est juge suppléant à la cour d'appel de Bruxelles depuis plus de 20 années. Suppléant depuis plus de 20 ans. Donc c'est un permanent. Hein. Et je crois qu'il y a trois chambres en cour d'appel d'affaires fiscales. Il serait intéressant d'examiner les affaires qui sont confiées à cette chambre-là, parce que lui, c'est le pape belge de la fiscalité. Il est hyper compétent. Mais de l'évasion. Mais de l'évasion aussi. Alors, il dira « Ah oui, mais c'est légal. Hein. » Ben oui, c'est légal. Alors on en revient aux lois. C'est légal ? Ben, il y a plein de choses qui sont légales. C'est-à-dire que toi... Tu es salarié, t'es salarié ou indépendante, tu n'as pas à discuter, tu payes ton impôt, point barre. Hein. Tandis que si t'es riche, il y a soit en tant que citoyen, soit en tant qu'entreprise, il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ton pognon, quoi, en gros, c'est ça ? Un peu, oui. Et comment tu vas faire pour payer le moins d'impôts possible ? Ben pour ça, il faut t'adjoindre les conseils de spécialistes. Et ces spécialistes-là, à l'utilité sociale hyper négative, ils coûtent cher, hein, faut pouvoir se les payer. Un Donc, sport de riche, j'ai lu, j'aimais bien l'expression. Oui, c'est un sport de riche. De toute façon, franchement, si tu peux t'évader, il faudrait vraiment être con pour frauder. Hein. J'ai pas compris, là. Si tu peux... Si tu fraudes, t'as des risques. Tu risques d'être inculpé. Pour fraude. Mais si tu peux atteindre le même résultat au niveau des sous, non pas en fraudant, mais en t'évadant, bah écoute, il faudrait vraiment être con pour frauder, courir des risques. Alors qu'en t'évadant, moyennant le recours à des spécialistes, avocats fiscalistes, experts comptables, etc., tu obtiens le même résultat sans risque. Mais je croyais que l'évasion était aussi une fraude, moi, tu vois. Non, en fait. Non, l'évasion fiscale n'est pas systématiquement une fraude. Voilà, tu vois, c'est ça. Moi, je comprends pas. C'est bien le problème, puisque les traités européens... Alors là, on touche à quelque chose de sensible, parce que dès que tu dis ça, on te dit « Attention, t'es anti-européen ». Mais non. Les traités européens instaurent la concurrence fiscale. Donc... Maintenant, on est d'accord que c'est organisé. Le ver est dans le fruit. Et donc à partir du moment où il y a concurrence fiscale, tu as tous ces cerveaux de droite, de gauche, avocats fiscalistes, etc., experts comptables, qui travaillent pour, tout en respectant la lettre de la loi et non pas l'esprit, permettre à plein de boîtes et à une minorité de citoyens de s'évader fiscalement. De voler l'argent, quoi, quelque part aussi. Est-ce qu'on peut dire ça ? D'empêcher de priver l'État belge de 30 milliards de recettes fiscales chaque année, soit à peu près 6% du PIB. En France, c'est 100 milliards. Donc c'est des trucs considérables. Et sous le couvert de la légalité. Alors je vais faire une comparaison que je ne devrais sans doute pas faire, mais on sait que dans l'histoire, il y a plein de lois scélérates. Hein. Donc on dit c'est légal. Oui, mais enfin, sous le régime de Vichy, en France, hein, il y avait des choses légales qui étaient atroces. L'esclavagisme, pareil. Donc, ce qui est légal à un moment donné peut être tout à fait illégitime, et même pire que ça. Mais on te répond, c'est légal. Et ça, c'est légal, eh bien, ça s'incruste dans le cerveau des citoyens. On dit, oui, c'est légal, il n'y a rien à faire, hein, puisque c'est la loi. Tu comprends ? Oui, je comprends, mais moi, je trouve que c'est du vol. Hein, c'est du vol. C'est comme un gros... puisqu'on a compris que c'était plutôt les riches qui faisaient tout ça. Hein, c'est pas le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui survit. Éventuellement, le petit bonhomme, comme tu dis, ou la petite bonne femme, bah, il en a ras-le-bol, il n'arrive pas à faire face à ses échéances, il va avoir envie de frauder. Mais la fraude, finalement, si tu résumes et tu caricatures un peu, ça je suis d'accord, je caricature, mais la fraude, c'est l'évasion du pauvre. Hein. Tandis que celui qui peut se permettre l'évasion, bah, il n'a pas besoin de frauder. Le résultat est le même. Il faut simplement qu'il paye chèrement des conseillers. Mais ce n'est pas un problème de payer chèrement, puisque de toute façon, il a les moyens de les payer. Et donc finalement, tu as deux. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Tu as une infime minorité de citoyens et d'entreprises, les plus importantes, et notamment les multinationales parmi celles-ci, qui font sécession, au sens sécession citoyenne. Hein, et ils ne font plus société avec l'immense majorité. Les autres avec un grand A, ne les intéressent pas. Ils sont pas solidaires. Oui, mais c'est plus que ne pas être solidaire, parce qu'après... C'est faire sécession. Comment le dire autrement ? C'est faire sécession. Et tout le monde... On est d'accord, Christian, que c'est toute la richesse produite par un peuple que des gros riches ou des gros... je sais pas comment on pourrait les... Entreprises puissantes. Oui, voilà, c'est des gens puissants, quoi, ou des entreprises puissantes qui s'accaparent toute la richesse. Ils se prennent le magot et pour ne rien devoir payer, ils vont le mettre ailleurs. Oui, mais il faut aussi en décrire les conséquences. C'est-à-dire que tu as deux types maintenant de... Il y a une forme d'apartheid. Je mesure les mots que je prononce. Tu as au niveau du citoyen redevable de l'impôt, tu as une forme d'apartheid. Quand je dis citoyen, je parle aussi bien des personnes physiques que des entreprises. Il y a ceux, une infime minorité, qui peuvent y échapper. Il y en a d'autres, captifs, qui ne peuvent pas y échapper. Et plus ça va, plus cette apartheid fiscal est fort. Et tout ça au nez et à la barbe du citoyen qui regarde le train passer. Et pour l'instant, ça passe. Voilà. Pourtant, et c'est pourquoi, à mon avis, il ne faut jamais traiter de l'évasion fiscale en termes techniques, il faut le traiter en termes politiques. L'évasion fiscale, c'est un truc d'une violence inouïe. C'est d'une violence inouïe. Et ça, c'est très rarement dit, voire jamais. Explique pourquoi c'est une violence inouïe. Par ses conséquences. Alors, on va prendre un exemple. Là, le Covid-19, c'est bien l'exemple. Nous, société occidentale, on se croyait être à l'abri de catastrophes qu'on connaît dans les pays en voie de développement où il n'y a pas de place à l'hôpital et donc on crève soit en y entrant, soit avant, parce qu'on ne peut pas y entrer. Mais là, bah, finalement, c'est arrivé chez nous, dans les pays occidentaux dits développés. Et vraiment développés. C'est arrivé. Donc finalement, on arrive même à attribuer des notes, hein, dans certains établissements hospitaliers en disant « Ah ben bah, voilà, on regarde un peu comment ils se comportent. Oh ben bah, s'il a zéro, c'est la meilleure note zéro dans leur système. S'il a zéro, bah, alors oui, il peut aller en soins intensifs. Et s'il a 8, c'est la plus mauvaise. Tu y vas pas, gars. Hein, terminé. » Donc, on voit qu'on a laissé mourir des milliers de personnes âgées dans les EHPAD. Donc, mais 30 milliards par an. 30 milliards par an. Mais c'est considérable. C'est récurrent chaque année. Donc, si ces gens qui se livrent à l'évasion fiscale et les organisateurs, ils ont une responsabilité immense, ben non. On continue à les considérer comme des spécialistes éminents, des techniciens superbes. Mais il faut toujours rappeler cette violence de l'évasion fiscale. Les pays en voie de développement, ils la connaissent. Mais nous, on ne la connaissait pas. On commence un petit peu à se réveiller. Mais si ça s'arrête aux applaudissements au balcon là pour les soignants, ça va pas. Il faudrait se mettre au balcon pour dire « Mais arrêtez, messieurs les gouvernants, de laisser s'envoler autant de recettes fiscales. On vous a élus pour nous défendre, pas pour nous refouler au service d'urgence. » Voilà. Oui, parce qu'il y a l'enseignement aussi. Il y a les gens qui vivaient, mais de rien du tout, tu vois, qui ont juste un peu la tête au-dessus de l'eau. J'entendais un reportage avec une mère qui faisait manger ses enfants à la cantine pour 1 €. Confinement, plus de cantine. Donc elle est obligée de faire à manger pour plus d'1 €. Tu vois le truc ? Bah, d'office, c'est... On sait bien que, malheureusement, que ce sont, encore une fois, les classes les plus défavorisées qui sont les plus dangereusement affectés par la pandémie. Hein. Et il n'y a strictement rien de changé sous le soleil entre la première pandémie, enfin la première vague, comme on dit, et la deuxième vague. Je ne sais pas s'il faut dire la seconde, parce qu'apparemment, maintenant, nous en avons une troisième. Donc voilà. Il n'y a pas de changement avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie Covid et compagnie. Il n'y a pas de changement de manière de regarder. Hein, parce que là, on est reparti pour refaire des prêts à je ne sais pas combien de milliards encore. Enfin, c'est dingue. Il y a quand même un changement important dont on devrait se saisir. C'est que d'un seul coup, on a quand même trouvé de l'argent. D'un seul coup, c'est ça. Ça, moi, j'en doutais pas. C'est ça. Ah ben toi peut-être, mais il y en a beaucoup qui étaient toujours sous l'idée, c'est sacro-saint, interdit, plus de 3% de déficit budgétaire, ça c'est pas possible. Non, 3,1%. Non, pour revenir à 3, mais maintenant on explose complètement. Et donc du jour au lendemain, on a su trouver l'argent. Tu savais pas, toi, quand il s'agit de défendre les intérêts des puissants, il y a l'argent, non ? Imaginons qu'on ait décidé de faire la même chose, c'est-à-dire de dévisser, de mettre un terme à ce carcan budgétaire il y a 10-15 ans, on aurait déjà beaucoup progressé par rapport aux choses à faire en matière de changement climatique. Hein. Donc c'est bien la preuve qu'on est sous une idéologie qui nous impose des choses alors qu'on aurait pu faire les choses différemment. Et il y avait certainement des choses possibles à faire en décidant d'investir là où il fallait investir pour lutter contre le changement climatique. Et on ne l'a pas fait. Mais ce choc-là de la pandémie prouve bien que, simplement, au nom de principes idéologiques, on a décidé de ne pas mettre les moyens, alors qu'on aurait pu les mettre. Donc là, on est obligé de les mettre. Oui, mais enfin, moi, ça te paraît du... le bon sens, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais ton bon sens n'est pas forcément le mien. » Oui, mais... changer de système, regarder les choses différemment, faire que ce soit plus juste... plus social, c'est vraiment une... Demain, on peut le faire, quoi. Hein. C'est parce que c'est pas la vision des gens au pouvoir pour le moment, quoi. Et ça fait déjà pas mal d'années que c'est comme ça. Est-ce que c'est vraiment la vision des gens au pouvoir ou est-ce que les gens au pouvoir n'adoptent-ils pas la vision de ceux qui gouvernent réellement ? L'économique. L'économique. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de Polytechnique Zurich, je crois que c'est en 2011 ou en 2012, qui mettaient en évidence, les ordres de grandeur sont là, je ne suis pas sûr de, à quelques dizaines près des chiffres, mais grosso modo, 740 entreprises transnationales qui détiennent, qui réalisent 80%. Qui détiennent 80% de l'économie et de la finance mondiale. 740 entreprises. Donc, où est le pouvoir ? Et ça, c'était en 2011. Attends. Donc, on est en 2020, donc ça n'a pu que se concentrer. Oui, mais attends, parce qu'on parle toujours de cet aspect comme quoi, maintenant, c'est l'économique qui fait la loi. Mais avant que l'économique fasse la loi, il y a quand même des gouvernements, une idéologie, comme tu dis, une politique qui a petit à petit mis ça en place. Hein. C'est pas, tu vois, c'est pas comme ça une fatalité, ça tombe du ciel. Sinon, ça fait comme si on n'avait aucune prise sur rien. Voilà, c'est l'économique. Ben non, je veux dire, les règles, les lois. C'est une victoire idéologique de gens qui sont conséquents avec ce qu'ils pensent et qui mettent en œuvre tous les moyens pour faire prospérer leur idéologie. Mais je vais donner un exemple. Il y a ces fameux cabinets d'audit. Il y en a 4 qu'on appelle communément, pour ceux qui les connaissent, mais tout le monde devrait vraiment les connaître, les Big Four. Donc, ils sont tous anglo-saxons. Le premier, c'est Deloitte. Le second, c'est PwC, Pricewaterhouse. Le troisième, c'est EY, anciennement Ernst & Young. Et le quatrième, c'est KPMG. Ils sont tous implantés dans à peu près 160 pays. 160 pays, c'est considérable. Hein. Il y a combien de pays à la base ? À l'ONU, je crois qu'il y en a à peu près 200 de mémoire. Ils sont tous implantés dans tous les paradis fiscaux, y compris les plus confidentiels. Et ils sont combien d'employés au monde ? Ils sont presque 1 100 000 personnes à eux quatre. C'est que de la matière grise. Que des bac plus 5. Et puis après, ils commencent pendant 2 ans, 3 ans à se faire les dents dans ces grands cabinets. Donc, ils arrivent grosso modo à bac plus 8. Puis après, quand ils quittent ces organisations qui sont pyramidales, bah, tu comprends, ils ne peuvent pas tous arriver au sommet. Donc, il faut qu'ils aillent ailleurs. Bah, ils vont chez qui ? Ils vont chez les clients. Oui, ils terminent patron, ils terminent directeur financier, etc. Et les clients, c'est souvent des grosses boîtes, des multinationales, etc., etc. Et t'as combien ? Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'on appelle du commissariat aux comptes. Ils certifient les comptes des entreprises. C'est une mission légale. Donc ils s'abritent derrière ça. Et puis derrière, t'as 275 000 avocats fiscalistes. 275 000, une véritable armée. Et donc, c'est eux qui gouvernent. Non seulement ils gouvernent, mais la Commission européenne, elle paye cher des conseils en conseils fiscaux qui leur sont fournis par ces fameux Big Four. Il y a une enquête d'une ONG qui s'appelle, basée à Bruxelles, qui s'appelle Corporate Europe Observatory, qui met très bien ça en évidence. Et tous les gouvernements font appel à ça. Il y a même des ONG qui font appel pour certifier leurs comptes à ces... Moi, je les appelle des fiscaux trafiquants. Voilà. Et donc, ils ont pris le pouvoir. Mais t'es d'accord, j'entends bien. Mais attends, ils sont pas forcés, les gouvernants, de passer commande à ces cabinets. Ils passent commande. En France, KPMG revendique sur son site 6 000 missions d'État, régions, départements. Ok, etc. Mais si c'était interdit par la loi, ben donc qui, enfin, je veux dire, tous ces requins dont tu parles, d'accord? Je sais que c'est con, mais ramenons les choses simplement. Ils ont été éduqués ils ont été dans des écoles, ils ont été petits. On leur a donné des valeurs. Je veux dire, c'est quand même, ils sont pas comme, c'est pas l'économie comme ça. C'est pas l'économie qui domine. Comment expliques-tu que Afshrif, dont je te parlais tout à l'heure, et qui se revendique libertarien, qui revendique que l'évasion fiscale est un droit fondamental, qui en même temps est conseiller suppléant et juge suppléant à la Cour d'appel de Bruxelles, mais je t'ai pas tout dit, il est prof à l'ULB depuis presque 40 ans. Il enseigne. Donc il enseigne quoi ? Voilà. La fiscalité. Et donc la victoire, elle est aussi dans les universités. À l'ULB, quand on a déposé plainte déontologique, on a demandé aux dirigeants de l'ULB de nous dire ce qu'ils pensaient. Est-ce que c'est bien normal qu'il y ait un prof qui... Ah bon, ils étaient pris par le Covid, après ils étaient pris par la rentrée, et depuis ils nous ont toujours pas répondu. Ils sont peut-être pris par la seconde vague. Hein ? Mais bon, c'est quand même un problème. Donc la victoire, elle est idéologique. Voilà. idéologique. Et pourquoi cette question majeure, elle n'est pas posée dans tout, au moment des élections, y compris en Belgique, en France, elle n'est pas posée. Alors que le citoyen, il est concerné. 4 mois de salaire net moyen. Tu te rends compte ? Mais surtout aussi, c'est que c'est très hypocrite, hein. Oui, mais là, tu vois, on te fait croire devant, oh, mais c'est vraiment un scandale. Parce que on te dit, alors, dans le cadre du journal Pour, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé un compteur de l'évasion fiscale. Hein, donc, tu as un compteur qui défile, et puis tu vois à chaque seconde combien tu as d'euros qui s'envolent. Et dans un des premiers articles, on a comparé le compteur de la dette. La fameuse dette et le compteur de l'évasion fiscale. Parce que la dette, hein, tu ne vas pas laisser ça à tes enfants. Hein. Si tu laisses ça à tes enfants, tu es dégueulasse. Hein. Et peut-être même à tes petits-enfants, tu es encore plus dégueulasse. Ils ne vont quand même pas payer, alors que toi, tu aurais dû payer. Tu ne peux pas prendre cette responsabilité. Mais quand tu regardes le compteur de l'évasion fiscale et que tu le compares au compteur de la dette, parce que le compteur de la dette, tu vas sur n'importe quel site de n'importe quel État européen ou non européen, tu vois, sur le site du ministère des Finances des pays concernés, le compteur de l'évasion fiscale de la dette qui défile. Mais tu vois pas le compteur de l'évasion fiscale. Mais si tu fais la balance chaque seconde, l'évasion fiscale versus la dette, tu t'aperçois, ah ben dis donc, que la dette, ça serait beaucoup moins important s'il n'y avait pas d'évasion fiscale. Ben voilà. Hein. Donc tu vois comment on arrive à culpabiliser le citoyen en disant, attends, la dette, tu vas la rembourser. Hein. Mais... Et s'ils savaient, les citoyens, qui détient la dette, hein, les fonds d'investissement, etc. Souvent, ce sont des entreprises qui, elles-mêmes, n'ont pas payé d'impôts. Donc non seulement ils te volent, mais après, ils t'expliquent que tu dois rembourser ce qu'ils t'ont volé. C'est quand même fabuleux. Hein. Ben voilà, c'est ça. On ne va pas parler de la dette, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Je propose qu'on reste sur l'évasion fiscale. Toutes ces choses-là, qui est un énorme sujet pour comprendre. De toute façon, on ne comprend pas comme ça en un coup. Hein. On peut aller taper sur Internet ton nom, parce que tu as fait tout un travail aussi. Hein. Tu as écrit plein de choses par rapport à tout ça. Oui, on a essayé de sensibiliser au mieux les gens à cette arme meurtrière qu'est l'évasion fiscale. C'est absolument terrifiant. Alors, on a commencé évidemment par nos pays développés, mais on a fait aussi le compteur de l'évasion fiscale en Afrique, qui est absolument incroyable. Là, c'est énorme. Bah oui. Donc là, on continue à par tous les moyens à les piller. Donc on pille leurs ressources naturelles, mais on pille aussi leurs recettes fiscales. Voilà. Et puis, avec tous nos ordinateurs, là, qui nous permettent de faire de la spéculation au millième, millionième, millionième de seconde, bah, une fois que tout ça, c'est obsolète, on va aller déverser les déchets électroniques au Ghana ou ailleurs, quoi. Donc, il faut vraiment... C'était l'objet de... Et c'est toujours l'objet de ces articles ou de ces vidéos sur l'évasion fiscale, c'est censé arriver à faire percoler le sujet et à faire comprendre que c'est vital. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'évasion fiscale, c'est un truc hyper violent. Or, on en parle comme si c'était un truc de technicien. Donc on voit les gens, là, souvent c'est des mecs en cravate, chemise, bien... Ah oui, mais tu comprends. Et on se lance dans la technique, vous comprenez. C'est très, très compliqué. Le citoyen lambda, il ne peut pas comprendre. Mais non, ce n'est pas compliqué. On le fait compliqué. C'est tout. Il s'agit simplement de générer des recettes qui permettent aux moyens communs de se développer. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces moyens communs, bah, ils ont plus les moyens d'être... Même pas développés, mais ils n'ont même plus les moyens d'être maintenu, simplement maintenu. Parce que je parlais de ces monstrueux cabinets d'audit et de conseil, mais il y en a d'autres qui agissent en même temps. C'est les cabinets de stratégie comme McKinsey, on en a parlé hein, en Belgique notamment, qui voulait s'implanter sur le site de l'ULB, mais tu as le Boston Consulting Group, tu as le Bain, tu as deux stratégies, je ne sais plus comment, et puis encore un cinquième, qui eux deux sont filiales de ces fameux Big Four. Et donc maintenant, ils ne donnent plus simplement conseil aux différents ministères, etc. Ils sont véritablement prescripteurs. Puisqu'en France notamment, mais j'imagine qu'en Belgique c'était pareil, il y avait dans chaque ministère des centres de recherche. Maintenant, ça n'existe plus. Là, la compétence, et ces gens-là sont extrêmement compétents, hein, et c'est pour ça qu'ils sont redoutables. Ils sont extrêmement compétents. La compétence, elle existe. Elle n'existe plus à l'intérieur de la structure publique. Elle existe chez ces... Dans le privé. Dans le privé. Et donc on a bradé, on a tiré un trait sur nos moyens, et bah, la bonne parole, elle vient de ces organismes privés qui évidemment agissent selon des critères qui ne sont pas des critères d'utilité publique. Et le tour est joué. Il reste 5 minutes. J'aime bien, je le dis dans le micro, là, comme une imbécile. Il reste 5 minutes. D'accord. Et du coup, pour continuer avec ce que tu dis, c'est ça le monde qu'on nous prépare depuis plein d'années aussi. C'est arriver à ce que chacun... je veux dire, c'est un monde hyper dur, quoi. C'est un monde où c'est chacun pour sa tronche. C'est un monde... Il n'y a plus rien de commun. Il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de solidarité. Enfin, c'est horrible. Voilà. Oui, c'est ça qu'on nous prépare depuis plein d'années, en fait. Hein. Bah, en fait... comment dirais-je, les choses ont véritablement commencé début des années 70, bah pour moi, hein, avec un certain nombre de théoriciens économistes venant souvent des États-Unis. Je pense notamment, j'ai un petit trou de mémoire là, à Buchanan, qui avait développé la théorie affamer la bête, to starve the beast. Hein, l'idée, c'est de dire, bah oui, on rend exsangue les moyens publics, et puis comme ça, c'est les moyens privés qui s'y substitueront, mais en mettant en œuvre leurs propres critères de rentabilité, etc. etc. Mais t'es d'accord que, parce que là, on avance, on se dépêche, de toute façon, on va finir comme ça, mais il n'y a plus vraiment de combat, quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Je veux dire, dans les années 70, 80, c'est la gauche et la droite qui se confondent. Il n'y a plus vraiment une pensée. Pourtant, la gauche. Où est le combat, quoi? Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années-là? Il y a une idéologie qui l'a emportée sur toutes les autres. Hein. Elle est immensément dominante. Et moi, j'ai un. C'est laquelle? Un truc. Bah, c'est l'idéologie néolibérale qui est poussée de plus en plus à son extrême. Et si j'avais qu'une image à donner, c'est celle que je connais bien parce que j'y vais fréquemment. Ça se passe à côté d'Orly, dans la banlieue parisienne, à 24 km de Paris. Et là, tu as un endroit, un lieu où tu trouves la situation suivante. Un EHPAD. Un établissement pour les personnes âgées dépendantes. Un établissement pour les adultes handicapés cérébraux et moteurs, donc des handicapés lourds, juste à côté. À droite de l'établissement pour les handicapés, une déchetterie. À droite de la déchetterie, un camp de Roms. À droite du camp de Roms, un cimetière. Au-dessus de tout ça, les avions qui décollent et qui atterrissent de Orly. Autour, les échangeurs d'autoroutes. Tu peux pas mieux décrire, je pense, hein, la situation. Et alors, si tu veux aller un petit peu plus loin, le nouvel établissement pour les adultes handicapés cérébraux et moteurs, il est nouveau. À l'intérieur, c'est beaucoup mieux que l'ancien qui se trouvait dans une petite ville, mais dans le centre de la petite ville. Alors tu passes devant l'ancien établissement. Ah, il a été rasé, sauf la façade qui était belle. Qu'est-ce qu'on y a fait ? Une résidence de luxe. Ben voilà. Donc, c'est quand même incroyable qu'on arrive à créer des lieux comme ça. Oui, c'est incroyable, mais en même temps... Moi, j'avais en plus... Oui, la gauche, la droite se confondent. C'est un peu que... Oui, le néolibéralisme, il est à la pointe, là. Il est occupé à... Oui, mais... Il a surtout contaminé, il a contaminé les gens aussi dans cette pensée qu'on peut continuer à s'entraider, on peut continuer. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé ? Le capitalisme a une capacité d'adaptation absolument phénoménale. Hein. Regarde, tu vas voir avec les programmes verts, etc., etc. Ils vont s'emparer de tout ça. Et d'ailleurs, il y a une femme absolument, enfin moi, je la trouve formidable, Suzanne Georges, qui est une des fondatrices d'Attaque. Et qui a écrit plusieurs bouquins, notamment plusieurs. Il y en a un, le rapport Lugano, un. Et puis après, 10 ans après, elle a écrit « Cette fois, en finir avec la démocratie », sous-titré « Rapport Lugano 2 ». C'est quoi Lugano ? Eh bien, en fait, c'est une fiction. C'est-à-dire, elle imagine un groupe d'experts qui est mandaté par un groupe de puissants, chefs de gouvernement, patrons de multinationales, et ces puissants disent au groupe d'experts « Écoutez, il faudrait quand même que vous nous conseillez pour qu'on fasse le mieux possible pour faire perdurer le système ». Et donc c'est terrifiant. Elle décrit des trucs. Puis à un moment donné, il y a un truc savoureux. Hein. Le groupe de puissance inquiète un peu en disant il y a quand même de plus en plus d'ONG qui se créent là quand même, ils commencent à nous ennuyer, c'est peut-être quand même un petit peu inquiétant. Alors le groupe d'experts se gratte la tête, etc., et conclut, écoutez, oui, ça pourrait être préoccupant, mais continuez à faire ce que vous faites et même amplifiez-le de telle manière qu'il continue à cultiver le narcissisme de leurs petites différences. Mmh. Eh bien, voilà. Pas mal. On est en plein dedans. Voilà. C'est pas mal de terminer là-dessus. Parce qu'on n'a plus le temps de développer, mais il y avait aussi... Moi, j'avais aussi envie de développer, parce que c'est un sujet immense. L'État, tu vois ? Je veux dire, l'État, c'est censé être nous qu'on dit, tu vois ? Mais l'État, c'est aussi un drôle d'outil qui nous a bien entubés, quelque part. Oui, mais évidemment, une minute à qui le confier, hein. Imagine qu'on soit en 1946 ou plutôt en 1947 en France, au lendemain de la libération. Et c'était qui ces gens qui ont inventé la sécurité sociale, le système des retraites, etc., etc. Mais aujourd'hui, là, les sachants, les McKinsey, les Boston Consulting Group, les Big Four, ils disent « Ah, attendez, ce système de retraite... Non, mais c'est pas possible. Tout était détruit. Il n'y avait plus un bal dans les caisses. Et on a mis en place un tel système. » Comme quoi, la volonté politique, quand elle existe, elle peut créer des choses fantastiques. Et là, la volonté politique, elle pourrait exister, mais elle a cédé la place, ou même elle l'a carrément laissée, à un pouvoir qui est hyper concentré et qui n'arrête pas de moquer les planifications d'antan. Mais il ne faut jamais avoir travaillé dans une multinationale pour penser que les multinationales ne planifient pas. Il n'y a pas un endroit où on planifie plus que dans les multinationales. On n'arrête pas de planifier tous les jours. Et donc... Là encore, c'est une fiction qu'on crée dans l'esprit des gens en disant « faut pas planifier ». Mais les puissants de ce monde ne font que ça. Ils planifient même leur succession. Hein, quand tu veux échapper à l'impôt, tu échappes à l'impôt. Tu bâtis même éventuellement ta fortune en échappant à l'impôt. Puis après, avant de mourir, tu te dis « je vais la transmettre à mes héritiers, mais je vais la transmettre pour qu'ils ne payent pas d'impôts ». Regarde la succession d'Albert Frère, le plus grand milliardaire belge. Qui est mort maintenant. Qui est mort il y a 2 ans, si j'ai bonne mémoire. Ouais. D'après ce que j'ai lu dans les journaux, l'État belge, ou plutôt la région Wallonne, puisque maintenant les droits de succession, c'est les régions qui les encaissent, ils n'ont pas encaissé grand-chose. C'est quand même scandaleux, quoi. Et ben voilà. Donc, la victoire est totale pour l'instant. Mais il faut qu'on arrive à faire percoler chez le citoyen lambda cette chose, puisqu'en fait, c'est facile à comprendre. Mais la parole n'est pas donnée. Tu n'entends que des spécialistes de... De la dette. De la dette. On parle tout le temps de la dette. Impôt, et qui tout de suite te manie des concepts techniques. Et ben, tout le monde décroche, alors que finalement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. On t'explique que le code du travail, il est trop compliqué. Par contre, les codes des impôts qui sont épais comme ça, ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est pas compliqué. Les spécialistes, ils sont ravis. Hein. C'est comme en informatique. À partir du moment où il n'y a pas de volonté politique et à partir du moment où il y a la concurrence fiscale, tu trouves toujours un moyen de passer en travers les mailles du filet. C'est comme en informatique. Hein. Donc voilà. Donc il faut simplement que... imagine qu'au niveau de la Commission européenne, au lieu d'avoir tous ces néolibéraux qui, une fois qu'ils ont travaillé à la Commission européenne, va comme Barroso travailler pour une... comment s'appelle cette banque là, Goldman Sachs, on pourrait imaginer aussi l'inverse. Hein. On pourrait imaginer que la Commission européenne, au lieu de décréter la concurrence fiscale, décrète l'inverse. Hein ? C'est sûr. Finalement, pourquoi pas ? Oui. Évidemment. C'est comme ça qu'on imagine autre chose, quoi. Évidemment. Après, ce serait tellement bien... Que ce soit dans la vraie vie, là, dans le concret, quoi. Parce que je pense que des alternatives, des plans B, une nouvelle vision du monde, ça fait longtemps qu'il y a plein de gens qui ont crié là-dessus. On sait qu'il y a moyen de faire autrement. Après, c'est qu'est-ce qui va être le déclencheur de passer dans la vraie vie, quoi. Voilà. On est obligé de couper. Je te laisse. J'espère qu'on est capable de trouver les solutions et de changer de système sans avoir à affronter une catastrophe. Parce que je me souviens plus de son nom, mais je crois qu'il y a un historien américain d'origine autrichienne qui a étudié tout ça sur une immense période de temps et qui en a conclu, mais je caricature un peu ses propos, que finalement, la solidarité ne naissait qu'au lendemain de grands cataclysmes ou de grandes guerres. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'espère qu'on va arriver à le démentir. Voilà. Merci, Christian Savestre. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.